L'été s'en va avec ses soleils brûlants, ses brises tièdes et ses enivrantes bouffées de parfums. La fenaison est finie depuis plusieurs semaines. Et chaque jour, quelqu'un des cultivateurs fauche sa dernière planche d'avoine ou lit sa dernière gerbe de blé. Les oiseaux chantent encore dans les sénoliers qui bordent la route. Et les jeunes filles et les garçons vigoureux chantent aussi en allant à la moisson. Mais nulle part les voix ne sont plus vives, les refrains plus gais que dans ce groupe qui monte sur la terre de Jean-Baptiste La Liberté. C'est que chez Jean-Baptiste La Liberté, on fête la grosse gerbe aujourd'hui. Nous avons passé les jours gras ensemble. Nous avons ensemble allumé les feux de la Saint-Joseph et de la Saint-Jean. Ensemble encore, nous ferons la grosse gerbe. Il n'y a plus un seul épi debout. La faux, impitoyable, a tout abattu. Déjà la récolte presque entière est entassée sous le toit de la grange en attendant le fléau primitif ou le moulin vorace enfanté par le progrès. Cependant, une pièce encore n'a pas été serrée, mais la javel attend la harpe. Et si l'on juge, par l'empressement de ce groupe que l'on vient de percevoir, elle n'attendra pas longtemps. En effet, gaz et fillettes, les mains protégées par l'antique mitaine de cuir rouge, se courbent sur le champ pour amasser le blé et se relèvent tour à tour ou tous ensemble pour aller déposer sur le lien de coudre les épis javelés. Les lieurs n'ont pas une minute de repos et penchés sur la gerbe qu'ils pressent du genou, pendant que leurs amis rient, chantent et badinent, ils n'ont chacun qu'une pensée et qu'une ambition, liés plus vite et mieux que les autres. Ils ont raison, les honnêtes du moins ne se forment jamais trop vite et se brisent toujours assez tôt. Mais la récolte est rentrée, le champ est nu, et le chaume dresse partout ses tiges perçantes. Il ne reste plus qu'une gerbe à faire. C'est la dernière, c'est la grosse gerbe. Tous les travailleurs redoublent de zèle. Deux hartes des plus longues lui font une ceinture qui fait gémir sa taille souple. On la met debout, on noue des fleurs à sa tête d'épi et des rubans à sa jupe de paille. Puis, en se tenant par la main, l'on danse autour des rondes alertes. On épuise le répertoire des vieux chants populaires et l'on remplit le ciel de rires, de murmures et de cris. Les petits oiseaux sont jaloux de ces chants nouveaux qui s'élèvent du sein de la prairie. Ils protestent de leur plus douce voix, et les bêtes à cornes surprises ou émerveillées regardent de loin avec leurs grands yeux pensifs. Enfin, la gerbe est placée au milieu de grandes charrettes. Tous les moissonneurs s'entassent alentour, et le cheval orné de pompons rouges ou bleus, selon sa couleur politique, se dirige à Palan, écoutant crier les cieux ou songeant à l'inégalité des conditions. Vers la grange où la gerbe orgueilleuse va dormir, oubliée parmi les petites et les humbles, son dernier sommeil. La fête de la grosse gerbe se termine par une soirée de jeux et de danse, comme toutes les autres réjouissances populaires. Cette coutume de célébrer ainsi la rentrée de la moisson nous vient aussi de France. Là, dans la plupart des départements, elle est encore dans toute sa vigueur, mais ici elle s'en va, elle est partie. Je l'ai dit il y a un instant, nous devenons froids et sérieux. Peut-être nous moralisons-nous de plus en plus. Si nous nous refroidissons, cela est dû, je l'ai dit aussi, à notre ciel inclément. Si nous nous moralisons, il m'est doux de le reconnaître, c'est grâce à nos prêtres dévoués. En France, dans la Bourgogne surtout, où le vin, si l'on en croit la chanson, met la belle humeur au cœur. La grosse gerbe est célébrée avec magnificence. Le prêtre la bénit et ensuite, s'il n'ouvre pas la danse lui-même, il se plaît du moins à voir la jeunesse amusée. Autre temps, autre mœurs. On peut dire avec autant de vérité, autre pays, autre coutume, et ce qui semble de la licence ou de la légèreté demeure, peut n'être qu'une innocente expression du caractère frivole ou gai d'un peuple. Les peuples, comme les individus gais ou frivoles, sont rarement susceptibles de grandes passions. Le souvenir de la grosse gerbe commence à s'effacer déjà, car nos cœurs sont inconstants, et nous avons à peine goûté un plaisir que nous en cherchons un autre. Quand les champs sont nus, et que les bêtes à cornes ont été envoyées dans les chaumes, on reporte ses regards sur les jardins, et l'on cherche les planches de blé d'Inde, car une belle plantation de blé d'Inde, c'est le gage d'une joyeuse épluchette. Plusieurs de mes lecteurs n'ont pas eu sans doute la bonne fortune d'aller aux épluchettes, et ne connaissent pas les douces émotions que fait naître dans le cœur de l'heureux éplucheur qui le trouve un épi de blé d'Inde rouge. Moi, je puis vous parler sciemment de ces choses. « Corum part magna fui », dirais-je avec le poète latin. Mais d'abord, je me hâte de déclarer qu'épluchette est un mot tout à fait canadien, de même qu'éplucheur, dans le sens que je lui donne ici. Il faut que je sois précis, car la critique a les dents pointues. une pyramide de blé d'Inde a surgi comme par enchantement au milieu de la salle, disons plutôt de la cuisine. Car chez nous, les habitants, on ne connaît que trois sortes d'appartements, la cuisine, la chambre et le cabinet. La cuisine, c'est la pièce principale, et la plus grande partie de notre vie s'y passe. Je ne veux rien insinuer de méchant en disant cela. Je veux seulement dire qu'elle est, à elle seule, presque toute la maison. C'est là que l'on fait bouillir la marmite, que l'on reçoit les intimes, que l'on dîne et que l'on travaille. La chambre, c'est autre chose. On y entre aux quatre grandes fêtes de l'année et pour les soupers du carnaval. Les messieurs y sont toujours admis, cependant. C'est là qu'on reçoit le curé et les marguilliers. Les cabinets, ce sont les chambres à coucher. C'est là que l'on se réveille pour la première fois et que l'on s'endort pour la dernière. Donc, au milieu de la cuisine, s'élève une pyramide d'épis chaudement enveloppés dans leurs robes. Et l'on attend le signal de l'attaque. Le voici. On se précipite en poussant un cri de joie à l'assaut du léger rempart. Je ne sais comment cela se fait, mais le dieu de l'amour a si bien favorisé tout le monde que chacun se trouve auprès de l'objet aimé. On forme une ceinture aux épis, on se presse les uns contre les autres, à la seule fin, croyez-le bien, d'être plus près du blé d'Inde. Les chaises feraient perdre un espace précieux. On les laisse dans leur coin et l'on s'assied à terre. Un étrange croisement de feuilles sèches annonce que le travail commence. On dépouille complètement les épis qui doivent être égrenés bientôt. On laisse trois ou quatre feuilles à ceux qui doivent être gardés en tresse. Les plus éveillés de la bande des éplucheurs ont toujours quelques ripostes à lancer, quelques drôleries à faire. C'est un besoin pour eux de faire rire les autres, comme c'est un besoin pour d'autres de rire toujours. Les feuilles tombent drues, s'amoncellent, et forment bientôt de moelleux coussins. Une espérance anime les travailleurs, l'espérance de trouver un blé d'Inde d'amour. On appelle ainsi un épi rouge, car ce blé d'Inde est mieux qu'un talisman. Non seulement il vous préserve de la mauvaise fortune pendant la soirée, mais il vous investit d'un doux privilège, celui d'embrasser qui vous plaît. Quelquefois le possesseur de l'heureuse trouvaille dissimule son plaisir et son épi. Il va traîtreusement déposer un chaud baiser sur une joue qui ne s'y attend pas, et ne produit qu'ensuite au milieu des éclats de rire et des applaudissements la pièce justificative. Quelquefois il pousse de suite un cri de joie, puis il agite comme un trophée l'épi de pourpre. Alors les yeux cherchent sur qui va tomber la faveur, souvent la préférée, qui n'est pas sans quelques pressentiments, se trahit d'avance en rougissant tout à coup. L'épi rouge ne doit servir qu'une fois, mais trouvez donc une loi qui n'est pas enfreinte. J'ai vu un épi rouge dans une épluchette où tout le blé d'Inde était jaune. J'ai vu un épi rouge sortir 20 fois d'une enveloppe, 20 fois improvisée. Ce diable d'épi provenait d'une autre épluchette, et je crois même qu'il avait été peinturé. Ce qui fait voir que la prévoyance est une excellente chose. Les jeunes filles qui développent un blé d'Inde d'amour ne peuvent cacher ni leur émotion ni leur contentement. Mais d'ordinaire, elles ne se prévalent point du privilège qu'ils donnent. Il ne faut rien moins que les rigueurs de la loi pour les décider à s'en prévaloir. Et encore se moquent-elles de la loi. Rien de beau comme cette craintive pudeur. Aussi la récompense ne se fait pas attendre, car elles ne refusent pas, ces jeunes filles, de prêter à leur ami cet épi qui les embarrasse. Et l'ami galant ne manque jamais de prouver sur le champ sa reconnaissance. Laquelle des deux choses est la plus admirable, de cette candeur ou de cette ruse? Pendant que l'on travaille, le feu s'allume dans la cheminée, l'eau bout dans le grand chaudron pendu à la crémaillère, et les plus beaux épis cuisent pour le réveillon. Ceux qui préfèrent le blé d'Inde rôti n'auront qu'à s'approcher du foyer, et à tourner devant la braise ces grains d'ambre qui vont prendre une saveur exquise. Le réveillon sera gai, le reste de la nuit s'écoulera dans les amusements de coutume, car toutes ces fêtes et ces corvées ne sont, après tout, que divers chemins pour arriver au même but. Les refrains des moissonneurs et des oiseaux sont suspendus. Octobre est venu avec son jour pâle et triste. Les feuilles se détachent des rameaux et tombent comme nos illusions. Les poètes rêveurs s'enfoncent dans les sentiers perdus pour chercher l'inspiration que le bruit épouvante. L'atmosphère est limpide, car les vapeurs de la terre ne montent plus vers le soleil, et pour me servir d'une expression pittoresque, l'air est écho. En effet, de toutes parts, et soudain, entendez-vous retentir et se multiplier des coups vifs, rapides et mesurés. C'est la braie qui bat le lin, pour le changer en une blonde filasse. Allons à la braierie. Là, nous ferons encore une petite étude de mœurs, car pour bien connaître un peuple, comme pour bien connaître un individu, il est nécessaire de l'étudier dans ses pratiques et ses réjouissances intimes, comme dans ses coutumes et ses fêtes publiques. Voulez-vous savoir de loin où est sise la braierie? Regardez cette fumée bleuâtre qui monte en spirale légère au-dessus des arbres, à la lisière du bois. un ruisseau doit murmurer tout auprès du foyer. Un enfoncement gracieux, découpé dans la côte du ruisseau, a été choisi pour l'arène, où les brayeurs luttent d'adresse et d'empressement. Le brayage, c'est comme les pluchettes, une corvée, et une corvée joyeuse et plaisante. Il serait pour le moins ennuyeux de battre seul 75 ou 100 poignées de lin dans une journée. Et pour prévenir l'ennui et se fouetter le courage, on convie les amis. Chacun, à son tour, fait sa corvée. Rien de curieux comme de voir cette troupe active qui rompt, broie, écrase et bat le lin, d'un bras infatigable, en riant, jasant et chantant sans cesse. Et pourtant la besogne est rude, car le lin crie et se tord longtemps avant d'être débarrassé de son écorce frêle et de ses frêles aigrettes, avant d'en se voir métamorphosé en un panache doux et luisant comme la soie. Et les aigrettes qui volent obscurcissent l'air et retombent en pluie légère sur les travailleurs. Les plaisanteries, les agaceries, les mots drôles et les éclats de rire remontent, descendent, se croisent, comme les atomes de poussière dans le rayon de soleil. Oh, le travail est facile et léger avec cet accompagnement de gaieté. Jeunes filles et jeunes garçons, couverts de la poudre de ces combats inoffensifs, devinent souvent encore, sous le voile de poussière qui les dissimule, des sourires qui ne manquent pas de grâce et des regards qui ne manquent pas de feu. Pendant que les brais retentissent, la chauffeuse, car c'est d'ordinaire une femme qui fait sécher le lin, la chauffeuse, comme une vestale antique, entretient sous l'échafaud le feu qui ne doit s'éteindre qu'avec la journée. L'échafaud est une espèce d'échelle très large et peu longue, appuyée sur quatre bâtons fixés en terre. Et sur cette échelle, dont les barreaux sont simplement jetés en travers, sans être arrêtés, le lin est étendu en couches peu épaisses. Il faut que le lin soit bien sec pour se casser ainsi en milliers de parcelles sous les bois de l'instrument. La chauffeuse doit donc être attentive et ne pas laisser la flamme s'endormir. Mais il faut qu'elle soit prudente aussi et qu'elle ne risque pas de tout brûler le lin sous le prétexte de le faire bien sécher. Quand la flamme trop ardente monte et va lécher l'échafaud, la plante fibreuse s'embrase, l'échafaud tremble, le feu bourdonne. La chauffeuse lève les bras au ciel, les bras se taisent et un cri éclate. La grillade, la grillade! Quand les journées de corvée sont finies, il n'y a plus une botte de lin dans la grange. Mais qu'il y a 100 cordons de filasse au grenier et maintes bottes d'étoupe ou hangars, on songe à payer les brayeurs. Et l'on organise une veillée. On joue à recule-toi de là, le plus facile des jeux et le plus commode pour ceux qui ne se trouvent pas bien à leur place. Et mon Dieu, qu'il y en a de ceux-là dans le monde! On joue au quiproquo, au jeu qui ne finira jamais. On joue à Madame demande sa toilette, comme si la toilette de Madame ne coûtait rien. On vend du plomb, et l'acheteur se fait tirer l'oreille pour payer, tout comme s'il s'agissait d'une dette réelle. On loge les gens du roi, comme si la royauté n'était pas en train de les loger. On passe de main en main un petit bâton allumé en disant « Petit bonhomme, vite encore !» Et il paraît que le petit bonhomme vit tant qu'il y a du feu, ou qu'il a du feu tant qu'il vit. Et puis, pour retirer des gages, on cueille des cerises sur des joues roses, on mesure du ruban que l'on coupe à chaque verge, avec les dents. On fait la sortie du couvent, et cela se fait vite. Les vocations ne tiennent à rien. On fait trois pas d'amour, et tant pis pour ceux qui ne les font pas assez longs. Ils sont condamnés au supplice de Tantale. Le bonheur n'arrive pas tout à fait à leurs lèvres. On fait son testament. Et à défaut de biens meubles et immeubles, l'on donne son cœur. Ce qui n'oblige à rien l'exécuteur testamentaire. Et l'on fait bien d'autres petits jeux fort amusants pour ceux qui en connaissent la philosophie.